La Cité de Dieu de Saint-Augustin, tome 2e, édition Charpentier 1855, traduction et notes par Monsieur Émile Edmond Cesset, livre 10e, le culte de la Trie. Argument. Saint-Augustin établit que les bons anges veulent qu'on offre à Dieu seul, objet de leurs propres adorations, les honneurs divins et les sacrifices qui constituent le culte de la Trie. Il discute ensuite contre Porphyre sur le principe et la voie de la purification et la délivrance de l'âme. Markendanarchive.org, 2019, d'après Abbaye Saint-Benoît.ch. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique. Chapitre 1er. Les platoniciens tombent d'accord que Dieu seul est la source de la béatitude véritable, pour les anges comme pour les hommes. Il reste à savoir si les anges, que ces philosophes croient qu'il faut honorer en vue de cette béatitude même, veulent qu'on leur fasse des sacrifices ou qu'on n'en offre qu'à Dieu seul. C'est un point certain pour quiconque use un peu de sa raison que tous les hommes veulent être heureux. Mais qui est heureux, et d'où vient le bonheur? Voilà le problème où s'exerce la faiblesse humaine et qui a soulevé parmi les philosophes tant de grandes et vives controverses. Nous n'avons pas dessein de les ranimer, ce serait un long travail, inutile à notre but. Il nous suffit qu'on se rappelle ce que nous avons dit au 8e livre, alors que nous étions en peine de faire un choix parmi les philosophes, pour débattre avec eux la question du bonheur de la vie future et savoir s'il est nécessaire pour y parvenir d'adorer plusieurs dieux ou s'il ne faut adorer que le seul vrai Dieu, créateur des dieux eux-mêmes. On peut se souvenir, ou au besoin s'assurer par une seconde lecture, que nous avons choisi les platoniciens, les plus justement célèbres parmi les philosophes, parce qu'ayant su comprendre que l'âme humaine, toute immortelle et raisonnable qu'elle est, ne peut arriver à la béatitude que par sa participation à la lumière de celui qui l'a faite et qui a fait le monde, ils en ont conclu que nul n'atteindra l'objet des désirs de tous les hommes, savoir le bonheur, qu'à condition d'être uni par un amour chaste et pur à cet être unique, parfait et immuable qui est Dieu. Mais comme ces mêmes philosophes, entraînés par les erreurs populaires, ou, suivant le mot de l'apôtre, perdus dans le néant de leurs spéculations, Romains 21, ont cru qu'il fallait adorer plusieurs dieux, au point même que quelques-uns d'entre eux sont tombés dans l'erreur déjà longuement réfutée du culte des démons, il faut rechercher maintenant, avec l'aide de Dieu, quel est, touchant la religion et la piété, le sentiment des anges, c'est à dire de ces êtres immortels et bienheureux établis dans les sièges célestes, domination, principauté, puissance, que ces philosophes appellent Dieu, et quelques-uns bons démons, ou, comme nous, anges. En termes plus précis, il faut savoir si ces esprits célestes veulent que nous leur rendions les honneurs sacrés, que nous leur offrions des sacrifices, que nous leur consacrions nos biens et nos personnes, ou que tout cela soit réservé à Dieu seul, leur Dieu et le nôtre. Tel est, en effet, le culte qui est dû à la divinité ou plus expressément à la déité, et pour désigner ce culte en un seul mot, faute d'expression latine suffisamment appropriée, je me servirai d'un mot grec. Partout où les saintes écritures portent l'attrait à, nous traduisons par service, mais ce service qui est dû aux hommes et dont parle l'apôtre, quand il prescrit aux serviteurs d'être soumis à leur maître, Éphésiens 6, 5, est désigné en grec par un autre terme, douléa. Le mot latrée au contraire, selon l'usage de ceux qui ont traduit en grec le texte hébreu de la Bible, exprime toujours, ou presque toujours, le service qui est dû à Dieu. C'est pourquoi il semble que le mot culte ne se rapporte pas d'une manière assez exclusive à Dieu, puisqu'on s'en sert pour désigner aussi les honneurs rendus à des hommes, soit pendant leur vie, soit après leur mort. De plus, il ne se rapporte pas seulement aux êtres auxquels nous nous soumettons par une humilité religieuse, mais aussi aux choses qui nous sont soumises, car de ce mot dérive agriculteur, colon et autres. Note. Saint Augustin développe en d'autres ouvrages la distinction de la douléa et de l'atréa. Il résume ainsi sa pensée dans ses questions sur l'Exode numéro 94. La douléa est due à Dieu, en tant que Seigneur. La latréa est due à Dieu, en tant que Dieu, et à Dieu seul. Fin de la note. De même, les païens n'appellent leur Dieu Coelicol qu'à titre de colon du ciel, ce qui ne veut pas dire qu'on les assimile à cette espèce de colons qui sont attachés au sol natal pour le cultiver sous leur maître. Le mot colon est pris ici au sens où l'a employé un des maîtres de la langue latine dans ce vers, il était une antique cité habitée par des colons tyriens. Virgile, Énéide, livre 1er, vers 12. C'est dans le même sens qu'on appelle colonie les états fondés par ces essaims de peuples qui sortent d'un état plus grand. En somme, il est très vrai que le mot culte, pris dans un sens propre et précis, ne se rapporte qu'à Dieu seul, mais comme on lui donne encore d'autres exceptions, il s'ensuit que le culte exclusivement dû à Dieu ne peut en autre langue s'exprimer d'un seul mot. Le mot de religion semblerait désigner plus distinctement, non toutes sortes de cultes, mais le culte de Dieu, et c'est pour cela qu'on s'en est servi pour rendre le mot grec treskia. Toutefois, comme l'usage de notre langue fait dire aux savants aussi bien qu'aux ignorants, qu'il faut garder la religion de la famille, la religion des affections et des relations sociales. Il est clair qu'en appliquant ce mot au culte de la déité, on n'évite pas l'équivoque. Et dire que la religion n'est autre chose que le culte de Dieu, ce serait retrancher par une innovation téméraire l'acception reçue, qui comprend dans la religion le respect des liens du sang et de la société humaine. Il en est de même du mot piété, en grec euzebia, il désigne proprement le culte de Dieu. Et cependant on dit aussi la piété envers les parents, et le peuple s'en sert même pour marquer les œuvres de miséricorde, usage qui me paraît venir de ce que Dieu recommande particulièrement ses œuvres et les égale ou même les préfère au sacrifice. De là vient qu'on donne à Dieu même le titre de pieux. 2 Chroniques 30, 9 Ecclésiaste 2, 13 Judith Vulgate 7, 20. Toutefois les Grecs ne se servent pas du mot eusébin dans ce sens, et c'est pourquoi, en certains passages de l'Écriture, afin de marquer plus fortement la distinction, ils ont préféré au mot eusébia, qui désigne le culte en général, le mot eusébia qui exprime exclusivement le culte de Dieu. Quant à nous, il nous est impossible de rendre par un seul mot l'une ou l'autre de ces deux idées. Nous disons donc que ce culte, que les Grecs appellent latréa et nous service, mais service exclusivement voué à Dieu, ce culte que les Grecs appellent aussi treskia, et nous religion, mais religion qui nous attache à Dieu seul, ce culte enfin que les Grecs appellent d'un seul mot, tosebea, et nous en trois mots, culte de Dieu, ce culte n'appartient qu'à Dieu seul, au vrai Dieu qui transforme en Dieu ses serviteurs. Psaume 81, 6, Jean 10, 34, 35. Cela posé, il suit, de deux choses l'une, que si les esprits bienheureux et immortels qui habitent les demeures célestes ne nous aiment pas et ne veulent pas notre bonheur, nous ne devons pas les honorer. Et si, au contraire, ils nous aiment et veulent notre bonheur, ils ne peuvent nous vouloir heureux que comme ils le sont eux-mêmes, Car comment notre béatitude aurait-elle une autre source que la leur? Chapitre 2. Sentiment de Plotin sur l'illumination d'en haut. Mais nous n'avons sur ce point aucun sujet de contestation avec les illustres philosophes de l'école platonicienne. Ils ont vu, ils ont écrit de mille manières dans leurs ouvrages, que le principe de notre félicité est aussi celui de la félicité des esprits célestes, savoir cette lumière intelligible, qui est Dieu pour ces esprits, qui est autre chose que, qui les illumine, les fait briller de ses rayons, et, par cette communication d'elle-même, les rend heureux et parfaits. Plotin, commentant Platon, dit nettement et à plusieurs reprises, que cette âme même dont ces philosophes font l'âme du monde, n'a pas un autre principe de félicité que la nôtre, et ce principe est une lumière supérieure à l'âme, par qui elle a été créée, qui l'illumine et la fait briller de la splendeur de l'intelligible. Pour faire comprendre ces choses de l'ordre spirituel, il emprunte une comparaison au corps céleste. Dieu est le soleil, et l'âme, la lune, car c'est du soleil, suivant eux, que la lune tire sa clarté. Ce grand platonicien pense donc que l'âme raisonnable, ou plutôt l'âme intellectuelle, car sous ce nom il comprend aussi les âmes des bienheureux immortels dont il n'hésite pas à reconnaître l'existence et qu'il place dans le ciel. Cette âme, dis-je, n'a au-dessus de soi que Dieu, créateur du monde et de l'âme elle-même, qui est pour elle comme pour nous le principe de la béatitude et de la vérité. Or, cette doctrine est parfaitement d'accord avec l'Évangile, où il est dit « Il y eut un homme envoyé de Dieu qui s'appelait Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à celui qui était la lumière. Celui-là était la vraie lumière qui illumine tout homme, venant en ce monde. » Jean 1, 6 à 9. Cette distinction montre assez que l'âme raisonnable et intellectuelle, telle qu'elle était dans Saint Jean, ne peut pas être à soi-même sa lumière, et qu'elle ne brille qu'en participant à la lumière véritable. C'est ce que reconnaît le même Saint Jean, quand il ajoute, rendant témoignage à la lumière, nous avons tous reçu de sa plénitude, Jean 1, 16. Voyez Plotin, Énéade, 2, livre 9, chapitre 2 et 3 Énéade, 3, livre 9, chapitre 1, livre 5, chapitre 3, livre 8. Chapitre 9. Chapitre 3. Bien qu'ils aient connu le Créateur de l'univers, les platoniciens se sont écartés du vrai culte de Dieu en rendant les honneurs divins aux bons et aux mauvais anges. Cela étant, si les platoniciens et les autres philosophes qui acceptent ces mêmes principes, connaissant Dieu, le glorifiaient comme Dieu et lui rendaient grâce, s'ils ne se perdaient pas dans leurs vaines pensées, s'ils n'étaient point complices des erreurs populaires, soit qu'ils en aient eux-mêmes semé le germe, soit qu'ils n'osent en surmonter l'entraînement, ils confesseraient assurément que ni les esprits immuables et bienheureux, ni les hommes mortels et misérables ne peuvent être ou devenir heureux qu'en servant cet unique Dieu des dieux, qui est le nôtre et le leur. C'est à lui que nous devons, pour parler comme les Grecs, rendre le culte de la trie, soit dans les actes extérieurs, soit au-dedans de nous. Car nous sommes son temple, tous ensemble comme chacun en particulier. 1 Corinthiens 3 16 17 Et il daigne également prendre pour demeure et chaque fidèle et le corps de l'Église, sans être plus grand dans le tout que dans chaque partie, parce que sa nature est incapable de toute extension et de toute division. Quand notre cœur est élevé vers lui, il est son autel, Son Fils unique est le prêtre par qui nous le fléchissons. Nous lui immolons des victimes sanglantes. Quand nous versons notre sang pour la vérité et pour lui, l'amour qui nous embrase en sa présence d'une flamme sainte et pieuse lui est le plus agréable en sang. Nous lui offrons les dons qu'il nous a faits, et nous nous rendons nous-mêmes à notre Créateur. Nous rappelons le souvenir de ses bienfaits, par des fêtes solennelles, de peur que le temps n'amène l'ingratitude avec l'oubli. Enfin nous lui vouons sur l'autel de notre cœur, où rayonne le feu de la charité, une hostie d'humilité et de louange. C'est pour le voir, autant qu'il peut être vu, c'est pour être unis à lui que nous nous purifions de la souillure des péchés et des passions mauvaises, et que nous cherchons une consécration dans la vertu de son nom. Car il est la source de notre béatitude et la fin de tous nos désirs. Nous attachant donc à lui, ou plutôt nous y rattachant, au lieu de nous en détacher pour notre malheur, le méditant et le relisant sans cesse, d'où vient, dit-on, le mot religion, nous tendons vers lui par l'amour, afin de trouver en lui le repos et de posséder la béatitude en possédant la perfection. Note. Dans ce passage étrange, saint Augustin paraît faire allusion à Cicéron, qui dérive quelque part religio de religere, de la nature des dieux, 2, 28. Lactance veut que religio vienne de religare, institution divine, 4, 28. Fin de la note. Ce souverain bien, en effet, dont la recherche a tant divisé les philosophes, n'est autre chose que l'union avec Dieu. C'est en le saisissant, si on peut ainsi dire, par un embrassement spirituel, que l'âme devient féconde en véritable vertu. Aussi nous est-il ordonné d'aimer ce bien de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre vertu. Vers lui doivent nous conduire ceux qui nous aiment, vers lui nous devons conduire ceux que nous aimons. Et par là s'accomplissent ces deux commandements qui renferment la loi et les prophètes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de tout ton esprit. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 12, 37 à 40. Pour apprendre à l'homme à s'aimer lui-même comme il convient, une fin lui a été proposée à laquelle il doit rapporter toutes ses actions pour être heureux. Car on ne s'aime que pour être heureux, et cette fin, c'est d'être uni à Dieu. Psaume 72, 28. Lors donc que l'on commande à celui qui sait déjà s'aimer comme il faut, d'aimer son prochain comme soi-même, que lui commande-t-on, sinon de se porter, autant qu'il est en son pouvoir, à aimer Dieu? Voilà le vrai culte de Dieu, voilà la vraie religion. Voilà la solide piété, voilà le service qui n'est dû qu'à Dieu. Quelle côte, par conséquent, que soient l'excellence et les vertus des puissances angéliques, si elles nous aiment comme elles-mêmes, elles doivent souhaiter que nous soyons soumis, pour être heureux, à celui qui doit aussi avoir leur soumission pour faire leur bonheur. Si elles ne servent pas Dieu, elles sont malheureuses, étant privées de Dieu. Si elles servent Dieu, elles ne veulent pas qu'on les serve à la place de Dieu, et leur amour pour lui les fait au contraire acquiescer à cette sentence divine. Celui qui sacrifiera à d'autres dieux qu'au Seigneur sera exterminé. Exode 22, 20. Chapitre 4. Le sacrifice n'est dû qu'à Dieu seul. Sans parler en ce moment des autres devoirs religieux, il n'y a personne au monde qui osa dire que le sacrifice soit dû à un autre qu'à Dieu. Il est vrai qu'on a déféré à des hommes beaucoup d'honneurs qui n'appartiennent qu'à Dieu, soit par un excès d'humilité, soit par une pernicieuse flatterie, mais, outre qu'on ne cessait pas de regarder comme des hommes ceux à qui on donnait ces témoignages d'honneur, de vénération, et, si l'on veut, d'adoration, qui jamais a pensé devoir offrir des sacrifices à un autre qu'à celui qu'il savait, ou croyait, ou voulait faire croire être Dieu. Or, que le sacrifice soit une pratique très ancienne du culte de Dieu, c'est ce qui est assez prouvé par les sacrifices de Caïn et d'Abel, le premier rejeté de Dieu, le second regardé d'un œil favorable. Chapitre 5. Des sacrifices que Dieu n'exige pas et qui ont été la figure de ceux qu'il exige effectivement. Qui serait assez insensé pour croire que Dieu ait besoin des choses qu'on lui offre en sacrifice. L'Écriture sainte témoigne le contraire en plusieurs endroits, et il suffira de rapporter cette parole du psaume. J'ai dit au Seigneur, vous êtes mon Dieu, car vous n'avez pas besoin de mes biens. Psaume 15, 2. Ainsi, Dieu n'a besoin ni des animaux qu'on lui sacrifie, ni d'aucune chose terrestre et corruptible, ni même de la justice de l'homme, et tout le culte légitime qui lui est rendu n'est utile qu'à l'homme qui le lui rend. Car on ne dira pas qu'il revienne quelque chose à la fontaine de ce qu'on s'y désaltère, ou à la lumière de ce qu'on la voit. Que si les anciens patriarches ont immolé à Dieu des victimes, ainsi que nous en trouvons des exemples dans l'Écriture, mais sans les imiter, ce n'était qu'une figure de nos devoirs actuels envers Dieu, c'est-à-dire du devoir de nous unir à lui et de porter vers lui notre prochain. Le sacrifice est donc un sacrement, c'est-à-dire un signe sacré et visible de l'invisible sacrifice. C'est pour cela que l'âme pénitente dans le prophète ou le prophète lui-même, cherchant à fléchir Dieu pour ses péchés, lui dit, si vous aviez voulu un sacrifice, je vous l'aurais offert avec joie. Mais vous n'avez point les holocaustes pour agréables. Le vrai sacrifice est une âme brisée de tristesse. Vous ne dédaignez pas, ô mon Dieu, un cœur contrit et humilié. Psaume 50, 18 et 19. Remarquons qu'en disant que Dieu ne veut pas de sacrifice, le prophète fait voir en même temps qu'il en est un exigé de Dieu. Il ne veut point le sacrifice d'une bête égorgée, mais celui d'un cœur contrit. Ainsi ce que Dieu ne veut pas, selon le prophète, est ici la figure de ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas les sacrifices, mais seulement au sens où les insensés s'imaginent qu'il les veut, c'est-à-dire pour y prendre plaisir et se satisfaire lui-même, car s'il n'avait pas voulu que les sacrifices qu'il demande, comme, par exemple, celui d'un cœur contrit et humilié par le repentir, fussent signifiés par les sacrifices charnels qu'on a cru qu'il désirait pour lui-même, il n'en aurait pas prescrit l'offrande dans l'ancienne loi. Aussi devaient-ils être changés au temps convenable et déterminé, de peur qu'on ne les crût agréables à Dieu par eux-mêmes, et non comme figure de sacrifice plus digne de lui. De là ces paroles d'un autre psaume, « Si j'ai faim, je ne vous le dirai pas, car tout l'univers est à moi, avec tout ce qui l'enferme. Mangerai-je la chair des taureaux, ou boirai-je le sang des boucs ?» Psaume 49, 12, 13. Comme si Dieu disait, « Quand j'aurai besoin de ces choses, je ne vous les demanderai pas, car elles sont en ma puissance. » Le psalmiste, pour expliquer le sens de ses paroles, ajoute, « Immolez à Dieu un sacrifice de louange, et offrez vos vœux au Très-Haut. Invoquez-moi au jour de la tribulation, je vous délivrerai et je vous glorifierai. » Psaume 14 et 15. Qu'offrirai-je, dit un autre prophète, qu'offrirai-je au Seigneur qui soit digne de lui, fléchirai-je le genou devant le Très-Haut? Lui offrirai-je pour holocauste des veaux d'un an? Peut-il être apaisé par le sacrifice de 1000 béliers ou de 1000 boucs engraissés? Lui sacrifierai-je mon premier-né pour mon impiété et le fruit de mes entrailles pour le péché de mon âme? Je t'apprendrai, Ô homme, ce que tu dois faire est ce que Dieu demande de toi. Pratique la justice, aime la miséricorde, et sois toujours prêt à marcher devant le Seigneur ton Dieu. Michée 6, 6, 7 et 8. Ces paroles font assez voir que Dieu ne demande pas les sacrifices charnels pour eux-mêmes, mais comme figure des sacrifices véritables. Il est dit aussi dans l'Épître aux Hébreux, « N'oubliez pas d'exercer la charité et de faire part de votre bien aux pauvres, car c'est par de tels sacrifices qu'on est agréable à Dieu. » Hébreux 13, 16. Ainsi, quand il est écrit, « J'aime mieux la miséricorde que le sacrifice », Osée 6, 6. Il ne faut entendre autre chose sinon qu'un sacrifice est préféré à l'autre, attendu que ce qu'on appelle vulgairement sacrifice n'est que le signe du sacrifice véritable. Or, la miséricorde est le sacrifice véritable, ce qui a fait dire à l'apôtre, c'est par de tels sacrifices qu'on se rend agréable à Dieu. Donc toutes les prescriptions divines touchant les sacrifices du temple ou du tabernacle se rapportent à l'amour de Dieu et du prochain, car, ainsi qu'il est écrit, ces deux commandements renferment la loi et les prophètes. Matthieu 22, 40. Chapitre 6. Du vrai et parfait sacrifice. Ainsi le vrai sacrifice, c'est toute œuvre accomplie pour s'unir à Dieu d'une sainte union, c'est-à-dire toute œuvre qui se rapporte à cette fin suprême et unique où est le bonheur. C'est pourquoi la miséricorde même envers le prochain n'est pas un sacrifice, si on ne l'exerce en vue de Dieu. Le sacrifice en effet, bien qu'offert par l'homme, est chose divine, comme l'indique le mot lui-même, qui signifie action sacrée. Aussi l'homme même consacré et voué à Dieu est un sacrifice, en tant qu'il meurt au monte pour vivre en Dieu, car cette consécration fait partie de la miséricorde que chacun exerce envers soi-même, et c'est pour cela qu'il est écrit, « Aie pitié de son âme en te rendant agréable à Dieu. » Ecclésiaste 30, 24. Notre corps est pareillement un sacrifice, quand nous le mortifions par la tempérance, si nous agissons de la sorte pour plaire à Dieu, comme nous y sommes tenus, et que loin de prêter nos membres au péché pour lui servir d'instrument d'iniquité. Romains 6, 13, nous les consacrions à Dieu pour en faire des instruments de justice. C'est à quoi l'apôtre nous exhorte en nous disant, « Je vous conjure, mes frères, par la miséricorde de Dieu, de lui offrir vos corps comme une victime vivante, sainte et agréable à ses yeux, et de lui rendre un culte raisonnable et spirituel. » Romains 12, 1. Or, si le corps, dont l'âme se sert comme d'un serviteur et d'un instrument, est un sacrifice, quand l'âme rapporte à Dieu le service qu'elle en tire, à combien plus forte raison l'âme elle-même est-elle un sacrifice, quand elle s'offre à Dieu, afin qu'embrasée du feu de son amour, elle se dépouille de toute concupiscence du siècle et soit comme renouvelée par sa soumission à cet être immuable qui aime en elle les grâces qu'elle a reçues de sa souveraine beauté. C'est ce que le même apôtre insinue en disant, « Ne vous conformez point au siècle présent, mais transformez-vous par le renouvellement de l'esprit, afin que vous connaissiez ce que Dieu demande de vous, c'est-à-dire ce qui est bon, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. » Romains 12, 2. Puis donc que les œuvres de miséricorde rapportées à Dieu sont de vrais sacrifices, que nous les pratiquions envers nous-mêmes ou envers le prochain, et qu'elles n'ont d'autre fin que de nous délivrer de toute misère et de nous rendre bienheureux. Ce qui ne peut se faire que par la possession de ce bien dont il est écrit, « M'attacher à Dieu c'est mon bien », Psaume 72, 27, il s'ensuit que toute la cité du Rédempteur, c'est-à-dire l'assemblée, la société des saints, est elle-même un sacrifice universel offert à Dieu par le suprême pontife, qui s'est offert pour nous dans sa passion, afin que nous fussions le corps de ce chef divin selon cette forme d'esclave, Philippiens 2, 7, dont il s'est revêtu. C'est cette forme, en effet, qu'il a offerte à Dieu, et c'est en elle qu'il a été offert, parce que c'est selon elle qu'il est le médiateur, le prêtre et le sacrifice. Voilà pourquoi l'apôtre, après nous avoir exhortés à faire de nos corps une victime vivante, sainte et agréable à Dieu, à lui rendre un culte raisonnable et spirituel, à ne pas nous conformer au siècle, mais à nous transformer par un renouvellement d'esprit, afin de connaître ce que Dieu demande de nous, ce qui est bon, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait, c'est-à-dire le vrai sacrifice qui est celui de tout notre être, l'apôtre, dis-je, ajoute ces paroles. Il vous recommande à tous, selon le ministère qui m'a été donné par grâce, de ne pas aspirer à être plus sage qu'il ne faut, mais de l'être avec sobriété, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun de vous. Car, comme dans un seul corps nous avons plusieurs membres, lesquels n'ont pas tous la même fonction, ainsi, quoique nous soyons plusieurs, nous n'avons qu'un seul corps en Jésus-Christ et nous sommes membres les uns des autres, ayant des dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée. Romains 12, 3 à 6. Tel est le sacrifice des chrétiens, être tous un seul corps en Jésus-Christ, et c'est ce mystère que l'Église célèbre assidûment dans le sacrement de l'autel, connu des fidèles, où elle apprend qu'elle est offerte elle-même dans l'oblation qu'elle fait à Dieu. Note. On le cachait aux païens et aux catéchumènes.